amis, n'oublie pas. On a le cœur qui palpite quand on se quitte et quand on se voit. La première fois on se touche, il lui demande au bout des doigts. Comme on fait son lit, on se couche, je me blottis entre tes draps, entre tes draps. La vie est trop courte, pas le temps de perdre son temps. Mais attention qu'elle ne s'écoute, à courir plus vite que le vent. Viens, je t'emmène dans un monde où l'argent n'est pas l'important, où l'on vit de chaque seconde comme cueillir des fleurs dans un champ. La vie serait bien trop triste sans le gazouillis des oiseaux. Notre terre serait sinistre s'il n'y avait plus d'animaux. Bientôt il y aura plus de banquises, plus de ce blanc ni de manchots. Si on continue nos bêtises, on crèvera comme des idiots. Bientôt il n'y aura plus de banquises, plus d'ours blancs ni de manchots. Si on continue nos bêtises, on crèvera comme des idiots, comme des idiots.